Chapitre 5e. Le lendemain, on se remit en route. Devant nous s'étendait une plaine plus vaste, plus unie, plus sauvage encore, une terre que, pour ainsi dire, n'avait pas encore foulé les pieds des Blancs. En un mot, nous étions dans la Nebraska. Les premiers jours, la marche fut rapide, car aucune forêt ne la retardait. En revanche, nous manquions de bois de chauffage. Les bords de la rivière Platte, qui courait à travers toutes ces vastes prairies, étaient couvertes de roseaux et de buissons dont nous ne pouvions approcher car les eaux avaient débordé. Il fallait donc passer les nuits à la lueur d'un maigre feu, alimenté par la fiente de bison que le soleil n'avait même pas eu le temps de dessécher. Arrivé sur les rives boisées du Big Blue River, je résolus d'y faire reposer la caravane pendant une dizaine de jours. Nous étions à moitié de la route, et ce qu'il nous en restait à parcourir nous réservait beaucoup plus de difficultés. Après les savanes, les montagnes rocheuses et plus loin, les terres méchantes de l'Ibda et du Nevada. Malgré l'abondance de fourrage, notre cavalerie dépérissait et une longue halte était nécessaire pour réparer ses forces. Nous nous établîmes dans un triangle formé par le Big Blue River et par la rivière Beaver Creek, la rivière des castors. Ainsi, notre position, défendue de deux côtés par des cours d'eau et du troisième côté par nos chariots, devenait presque inattaquable, d'autant plus que le bois et l'eau se trouvaient en abondance à proximité. La surveillance étant très réduite, les émigrants pouvaient se reposer en toute sécurité. Ce furent les plus beaux jours de notre voyage. Le temps était magnifique, les nuits chaudes, de sorte qu'on pouvait dormir en plein air. Les chasseurs, partis le matin, revenaient à midi, chargés d'antilopes ou de gibier à plumes qui foisonnaient dans les alentours. Le reste du temps, on mangeait, on dormait ou, pour se distraire, on tirait les oies sauvages qui, par bandes entières, passaient au-dessus du campement. Je ne puis me rappeler, dans toute mon existence, 10 jours aussi heureux que cela. Chacune de mes paroles trouvait dans le cœur de Liliane un écho fidèle. Chacune de mes pensées s'y reflétait, comme dans une eau profonde et pure se reflète tout ce qui se passe sur la rive. Ce cœur innocent luttait contre son propre sentiment, et je voyais comme il aimait, faiblissait, comme il se donnait. Et tout ce qu'il y avait de bon en moi résonnait pour chanter un hymne en son honneur. Bref, elle était si pure que je devais la persuader que l'amour n'était pas une faute et qu'il me fallait sans cesse me torturer l'esprit pour trouver les arguments propres à l'en convaincre. Ainsi passait notre temps dans ce delta où je vis se réaliser mon désir le plus ardent. Un matin, à l'aube, nous remontâmes le long de Beaver Creek. Je voulais montrer à Liliane les castors qui formaient tout un royaume florissant à 1/2 mile à peine de notre campement. Après une marche courte et prudente, nous atteignîmes le but de notre promenade. L'eau y formait un petit lac, une sorte de baie où s'entrecroisaient des ruisseaux. Jamais encore le pied de l'homme n'avait foulé ce recoin, caché à la vue de tous côtés par les arbres. Nous écartâmes doucement les roseaux pour regarder l'eau bleue et dormante. Les castors n'étaient pas encore au travail, et la ville aquatique était plongée dans le sommeil. Le silence était tel que j'entendais la respiration de Liliane, dont la tête dorée, encadrée de feuilles vertes, touchait ma joue. J'entourais sa taille de mon bras pour la soutenir sur la pente glissante. Nous attendîmes patiemment en contemplant le tableau qui s'offrait à nous. Le désert m'était familier. J'aimais la nature comme une mère, et en ce moment surtout, je sentais d'instinct toute la force des liens qui m'attachaient à elle. L'aube pointait à peine, filtrant timidement à travers les branches des arbres, et la rosée tombait des feuilles. Peu à peu, le jour se leva. Sur la rive opposée, des pluviers gris, huppés au col noir, se mirent à boire en renversant leur petite tête. « Ah, Ralph, qu'il fait bon ici !» murmura Liliane. Et moi, je m'imaginais une maisonnette au milieu de cette solitude et elle auprès de moi, puis une série de jours paisiblement vécus qui doucement nous mèneraient jusqu'au repos éternel. Pour l'instant, il me semblait qu'à l'allégresse universelle, nous avions ajouté notre joie. À cette paix, notre paix, à cette lumière, la lumière rayonnante de notre amour, qui réchauffait nos âmes. Mais voici que la surface tranquille de l'eau se couvrit de cercles et qu'une tête de castor mouillée, moustachue, rosée par les reflets de l'aube, se montra prudemment. Une autre émergea ensuite, et les deux petites bêtes nagèrent vers la digue en coupant de leur museau l'onde bleue, en grognant et en clapotant. Juchés sur la digue, ils s'assirent sur leur train de derrière et firent entendre un cri strident. À ce signal, des têtes petites et grosses apparurent hors de l'eau, comme sur un signe d'une baguette magique. Toute la surface du lac fut agitée de battements multiples. Tout d'abord, le troupeau se mit à s'amuser, à se baigner en criant de joie. Mais soudain, le premier couple fit entendre un sifflement aigu, et aussitôt, une foule de castors se trouvèrent sur la digue. D'autres se dirigèrent vers la rive et disparurent dans les roseaux. L'eau écumait. On entendait le même bruit que quand on scie un arbre. Les petits animaux travaillaient à détacher de l'écorce et à couper de menues branches. Liliane et moi nous restâmes longtemps à observer les travaux et les jeux de cette existence animale que n'avait point profané le contact de l'homme. Mais en voulant faire un mouvement, Liliane agita une branche par mégarde. Aussitôt tout disparut et seule l'eau troublée témoignait qu'il y avait là quelque chose. Quelques instants après, l'eau elle-même s'immobilisa et de nouveau le silence plana autour de nous. Seuls les pics frappaient du bec avec persistance l'écorce dure du chêne. Le soleil était déjà monté au-dessus du feuillage et il commençait à faire très chaud. Liliane, ne se sentant pas fatiguée, nous décidâmes de faire le tour de la baie. Sur notre route, nous rencontrâmes un petit ruisseau qui s'enfonçait dans la forêt pour aller retomber dans le lac du côté opposé. Comme Liliane ne pouvait le passer d'un bond, je dus la porter. Malgré son opposition, je la pris donc dans mes bras comme un enfant et j'entrai dans l'eau. Ce fut là le ruisseau de la tentation. La crainte de me voir tomber obligea la jeune fille à entourer mon cou de ses deux bras, à se serrer contre moi de toutes ses forces, tandis que j'appliquais mes lèvres sur sa joue et que je lui susurrais mon amour à l'oreille. C'est ainsi que nous franchîmes le ruisseau. Mais quand je voulus continuer à la porter sur la terre ferme, elle s'arracha de force de mes bras. Une inquiétude indéfinissable s'empara de nous deux. Elle regardait craintivement de tous côtés. Sa face tantôt pâlissait, tantôt s'empourprait, tandis que j'appuyais sa main contre mon cœur. Il faisait chaud. Des torrents de lumière et de chaleur descendaient du ciel. Les feuilles du hikoro pendaient immobiles. Les pics eux-mêmes semblaient frapper de plus en plus rarement l'écorce et achever leur travail. Tout d'abord, il m'apparut que, forêt et atmosphère, tout était inondé de séduction, puis que Liliane et moi restions seuls sur la terre. Elle fut prise d'une lassitude. Son souffle devint plus haletant et plus fort. Son visage, pâle d'ordinaire, s'enflamma tout à coup. Je lui demandai s'il n'était pas fatigué et désireuse de prendre quelque repos. « Oh non, non !» fit-elle vivement, comme si cela l'effrayait rien que d'y penser. Mais après fait une dizaine de pas, elle chancela et balbutia. « Je ne puis aller plus loin. » Je la pris de nouveau dans mes bras, et chargé de ce fardeau si cher, je me dirigeai vers le bord même de l'eau, où les branches des saules traînaient jusqu'à terre et formaient des voûtes ombreuses. Je la déposai sur la mousse et m'agenouillai devant elle. Mais en la regardant, mon cœur se serra d'angoisse. « Liliane, ma chère âme, qu'as-tu ? Je suis ici, près de toi. » Je me penchai et couvris ses pieds de baisers. « Liliane, mon unique, mon élue, ma femme !» À peine avais-je prononcé ce dernier mot que tout son corps tressaillit et que ses bras, comme dans un délire, se nouèrent avec une force extraordinaire autour de mon cou. « my dear husband !» murmura-t-elle. « Mon gars, ce voilà !» Il me sembla que le globe terrestre, arraché à son orbite, s'engloutissait dans le vide avec nous. Je ne sais comment cela se fit, mais quand je revins de mon ivresse, à travers les arbres sombres filtraient déjà les rougeurs du couchant. Les pics avaient cessé leur besogne. Au fond du petit lac, un autre couché souriait à celui qui embrasait le ciel. Les habitants des eaux s'endormirent, l'air se teinta d'une lueur rouge, il était temps de rentrer. En quittant la voûte des saules, je regardais Liliane. Son visage ne portait plus aucune trace de trouble ni d'inquiétude. Seuls, ses yeux levés vers le ciel reflétaient une douce résignation. Quand je lui offris mon bras, elle pencha tendrement sa tête sur mon épaule et me dit, sans détacher son regard du firmament, « Ralph, répète-moi que je suis ta femme. Répète-le-moi souvent. » Ni dans le désert, ni là où nous nous rendions, il ne pouvait être question de cérémonie pour célébrer notre mariage. Je m'agenouillai, et quand Liliane eut fait de même, je dis « J'en prends à témoin la terre, le ciel et Dieu. Je te jure, Liliane Morris, que je te prends pour femme. » Amen. Elle répondit, à présent, je suis à toi pour toujours, ta femme jusqu'à la mort, Ralph. De cet instant, nous étions mariés, il n'était plus une maîtresse, mais ma femme légitime. Cette pensée nous fut bienfaisante à tous deux. Pour moi, je me sentais heureux, parce qu'un nouveau sentiment de vénération pour Liliane et de respect pour moi-même était né dans mon cœur. La main dans la main, la tête haute, le regard assuré, nous regagnâmes le campement où tout le monde était inquiet de notre absence. Plusieurs de nos compagnons étaient partis à notre recherche, dans diverses directions, et j'appris avec surprise que certains d'entre eux étaient passés près du petit lac sans nous apercevoir, tandis que de notre côté, nous n'avions pas entendu leurs appels. Afin d'éviter des commentaires malveillants, je pris Liliane par la main et l'air important, m'avançant au milieu du cercle, je dis « Gentlemen, je déclare devant vous tous que cette jeune fille est désormais ma femme. Vous en témoignerez devant la justice, devant la loi et devant quiconque vous demandera ce témoignage à l'Orient comme à l'Occident. »« All right, and hurrah for both !» s'écrièrent les émigrants. Puis, suivant la coutume, vieux Smith demanda à Liliane si elle consentait à me prendre pour mari. Elle répondit « Oui ». Et ainsi, aux yeux du monde, nous étions légalement mariés. Dans les savanes de l'Extrême-Orient et dans toutes les contrées où il n'y a ni ville, ni juge, ni église, les mariages ne se célèbrent pas autrement. Aujourd'hui encore est tenue pour un mariage légal toute déclaration de l'homme qui donne le titre d'épouse à la femme vivant sous le même toit que lui. Personne ne s'étonna de cette union. Au contraire, tous s'en réjouirent. Car quoique j'exigeasse d'eux une discipline plus rigoureuse que certains chefs, ils savaient combien j'étais consciencieux dans l'accomplissement de mes fonctions et m'en estimaient chaque jour davantage. On fêta aussitôt l'événement. Un grand brasier fut allumé. Les Écossais sortirent leurs cornemuses, les Américains leurs castagnettes, et la soirée de notre mariage se passa au milieu des chants et des danses. Tant Atkins serrait Liliane dans ses bras, tantôt en riant, tantôt en pleurant, ou bien en tirant des bouffées de sa pipe qui s'éteignait à chaque instant. Le moment de la plus vive émotion fut pour moi celui de la cérémonie qui a toujours lieu parmi la population nomade de cette partie de l'Amérique. Quand la lune se leva, les hommes enfoncèrent dans le canon de leur carabine des brindilles enflammées et sous la conduite du vieux Smith, nous menèrent en procession autour des chariots en demandant à Liliane devant chacun « Is this your home ? Est-ce votre maison ?»« Non, » répondait ma bien-aimée, et l'on passait à un autre. Près de la charrette de tante Atkins, notre émotion s'accrut. C'était là la demeure mouvante de Liliane. Lorsque, cette fois encore, elle répondit doucement « No ». Mrs. Atkins, sanglotant et meuglant comme un bison, se mit à répéter en enfermant Liliane dans ses bras « My little, my sweet, ma mignonne, ma douce ». Liliane sanglotait de même, et pas un œil, en somme, n'était sec. Arrivée près de ma voiture, je la reconnus à peine, tant elle était couverte de verdure et de fleurs. Cette fois, les hommes élevèrent leurs torches, tandis que Smith, la voix plus grave et plus haute, demanda « Is this your home ?»« that's it, » répondit Liliane. Tous se découvrirent et le silence devint tel que j'entendis le crépitement du feu et le bruit des charbons qui fusaient en touchant le sol. Le vieux mineur à cheveux blancs étendit la main sur nous et dit avec solennité « Que Dieu vous bénisse ainsi que votre maison. Amen. » Un triple hourra accueillit ces paroles, puis tous se retirèrent, nous laissant seuls. Quand le dernier de nos compagnons se fut éloigné, Liliane posa sa tête sur ma poitrine et murmura « Pour toujours, pour toujours. » À ce moment, nos âmes étaient embrasées de plus d'étoiles que n'en contenait le firmament.